À l'occasion de l'anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du travail de Corée, le Parti communiste marxiste-léniniste du Népal et le Parti progressiste du peuple du Nigeria ont publié des déclarations les 10 et 13 juin. Ils ont indiqué « Son Excellence M. Kim Jong-il a développé sans cesse en profondeur les idées du Juche créées par le président Kim Il-sung. Il les a matérialisées parfaitement dans l'édification et les activités du parti pour ainsi développer le Parti du travail de Corée en guide invincible qui est fort de l'indépendance et conduit à la victoire l'œuvre socialiste sans aucune erreur dans l'élaboration de la ligne ».